Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Alexandre Carillon nous cultive un peu le temps d'une culture. On parle de réussite d'examen avec Véronique Mire. Et comme c'était pas assez, on profite de C'est un fait Kinky Sexy Time Edition. Assemblage requis commence à main. J'avais été plus vif, plus rapide sur mes patins, j'aurais pu dire, et on réussit à se rendre jusqu'à aussi quelque chose avec réussir cet examen. Là, ouais. T'as dit examen. J'ai échoué. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis. C'est lundi 29 octobre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François Olivier. Et on est en direct des studios de C'est fou à Trois-Rivières. Oui, tout à fait. Wow! Quelle surprise ce matin. Surprenant quand même, ça commence une semaine, ça. Si tu faisais ça, c'est comme. Hein? Belle fin de semaine, François. Oui, belle fin de semaine, fort chargée. Écoute, ça passe vite. Oui, deux petits jours, mm-hmm. Ça passe très, très vite. C'est exactement ça. Et toi, Mathieu Plante? Merci. Si tu veux savoir comment a été ma fin de semaine, je te proposerai un premier extrait de musique, Mathieu, qui va te faire comprendre comment a été ma fin de semaine. Ouais. OK. Aujourd'hui, à l'émission, on aura un plan, comme tu dis, aussi rapide et condensé et droit au but qu'une fin de semaine de deux jours. Ouais. C'est-à-dire qu'on va avoir Véronique Mire à 8h avec sa chronique du bureau de la réussite étudiante. Tu sais qu'elle nous dit comment réussir nos examens? Ouais, passation d'examen, comment réussir, se préparer et puis bien performer au résultat final. Donc, ça va être vers les 8h. Merveilleux. Ensuite, à 8h30, Alexandra Carignan, notre bonne amie. Tout le monde l'adore. Mais Véronique aussi. En fait, tout le monde adore. Tout le monde a l'assemblage requis. Ben oui. Ça va ensemble. Donc, elle va nous parler de culture, d'art et spectacle. Des fois, c'est des expositions, des fois, c'est de la musique, des fois, c'est je sais pas si elle va parler de la disque un peu hier. Je sais pas. Est-ce que tu préfères qu'on en parle pas trop pour pouvoir garder ça pour elle? Parce que j'ai l'impression que c'est pas tellement son domaine, la disque. Ouais, je sais pas. Pas sûr qu'elle va en parler. On va voir. Sinon, on aura aussi, comme j'ai dit, c'est un fait Kinky Sexy Time Edition, c'est-à-dire des faits un petit peu plus osés là, dans lesquels c'est un fait. On a besoin de ça une fois de temps en temps là, pour bien partir la semaine, je pense. Ouais. Mais pour l'instant, l'extrait musical que je t'ai promis, on parle pas trop de la disque en ce moment, nous, là. Non. Mais tu te rappelles d'elle, hein, cette petite... Elle a gagné d'ailleurs, hein, hier. Ouais, c'est quoi, révélation de l'année? Je sais pas, là, par exemple, j'ai pas ça. C'est ça, j'ai la liste, là, je peux aller voir, ça te tente. On va aller voir, quand même beaucoup de surprises avec podcasts qui ont gagné aussi. Tout à fait. Révélation de l'année, Lisa Leblanc, t'as bien raison. Ouais, c'est ça, j'avais raison, je pense que c'est moi qui l'ai dit. Donc voici aujourd'hui ma vie de la merde, hein? Ma préférée de Lisa Leblanc. Ben, faut commencer par un... C'est comme la moins pire que je... Ouais. Un matin, mon lycée fait sûr de me rappeler que je dors dans un lit simple avec les springs qui m'enfoncent dans le dos. C'est une grosse salope. Y'en aura pas de facile. Peut-être que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui ma vie c'est la merde. Peut-être que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui ma vie c'est la merde. J'avais les genoux mous pis tout, c'était la plus belle affaire. On aurait pu être l'inspiration d'une toune de Céline Dion. Mais quand il a vu l'autre fille qui était plus chicks que moi, il a ramené chez eux dret devant mes yeux. Hostie de gang de potes-classe. Peut-être que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui, parce que mes chums de filles veulent te casser les jambes. Je ferai attention à toi, mon petit gars, parce que mes chums de filles veulent te casser les jambes. J'ai l'air d'une grosse robineuse assise toute seule au bar en bitchant toute la soirée à ceux qui ont le malheur de m'écouter. J'ai dit peut-être que demain ça ira mieux, mais aujourd'hui ma vie c'est la jukebox. Un boc ben flat, un fond de scotch. Ma toune de Dylan qui part, éternel bilan qui repart. Ça sert plus à rien de se voir. De pièces dans le téléphone. Si cookie sonne, pis y'a personne. Encore ma vie qui est en retard, tout seul à ben trop le savoir. Ça sert plus à rien de se voir, ça sert plus à rien. Quelque part. Un corps de piastre. Vincent Vallière d'ailleurs, qui a gagné interprète masculine de l'année. Oui. Hein? C'est pas beau, ça. Bravo, félicitations. Ouais, félicitations, vraiment. Écoute, j'étais content pour lui. Oui, Vincent. J'avais l'air très surpris. Mm-hmm. Est-ce qu'on fait un petit peu le tour de la liste? On peut. En fait, j'ai pas les informations devant moi, sur mon ordinateur. Ça ouais, c'est ça. Mais, il veut rien savoir. Panne de courant, en fait, ça arrive. Donc, album de l'année folk. C'est un monde de Fred Pellerin. OK, cool. Okay. Tant mieux, bravo. C'est cool, la région. Ben oui. Album d'année pop, Cœur de pirate. Donc, tu sais, pour de la pop, je trouve que c'est de la bonne pop. Ouais, tout à fait. Écoute, j'étais surpris cette année. Il y avait vraiment des bons choix. Oui. Bravo. Album de l'année adulte contemporain, Richard Desjardins, L'Existoire. OK. Parfait. Interprète féminine de l'année, Cœur de pirate. Masculine, comme tu l'as dit, Vincent Vallière. Groupe de l'année, Mes aïeux. Je savais pas qu'il avait fait quelque chose de nouveau, mais tant mieux. Super. Ouais, je vous le dis. OK. Chanson populaire de l'année, Sans cri ni haine de Marie-Mé. Yes. OK. Révélation de l'année, ma préférée, Lisa Leblanc. Hein? Ben oui. Quand je disais tantôt par ordre de préférence, là, puis j'ai dit ça commence par la fin, là, c'est parce que c'est la pièce numéro 13. Fait que elles sont toutes pour moi pas bonnes. Fait que si je commence par la fin, c'est la moins pire. C'est la moins pire, si on veut. Ben, je me rends jamais jusque-là. Sinon, auteur-compositeur de l'année, Stéphane Lafleur de Avec Podcast, qu'on va entendre dans quelques instants. J'adore ça. Spectacle de l'année, Richard Desjardins encore. Ça, c'est pour auteur-compositeur-interprète. Interprète, c'est 12 hommes rapaillés, deuxième édition avec des artistes variés. Et puis, le prix hommage, c'est René Martel. Ça, c'est comme ça. Hein? René Martel, hein? Quand même du vécu. Ouais. On n'a pas tant parlé de l'autre gala quand il a eu lieu. C'est malheureux. Hein? Non, c'est vrai, non, exactement. C'est ça. On aurait ça s'est déroulé quoi la semaine dernière? Ouais, c'est ça. Bien. Ouais, exactement. Donc, l'autre gala de la disque. Parlons-en, tiens, j'ai l'article juste ici. Comme si c'est pratique, Internet, hein? Ah, on aime ça. J'imagine. De mon bord, en tout cas, si je pourrais pas te dire. Donc, l'autre gala de la disque. Prix. Ah, ils ont pas écrit. Il y a pas de liste complète, c'est triste. Non, pas vrai? Ben non. Hier, pourtant, avant chaque pub, en fait, ils revenaient un peu sur ce qui s'était passé avec les données de relais. C'est eux autres qui l'animaient. Mm-hmm. Je sais que gagnant de l'album hip-hop, c'était Radio. Mm-hmm. Je trouve pas vraiment que c'est du rap, mais bon. Radio, non, il y en a qui disent que c'est du jazz, fait que ça. Ouais, je sais pas ce qu'ils faisaient dans cette catégorie-là, mais bon, j'étais content pour eux autres. Je sais pas trop. Tiens, les gagnants, ils ont mis un par un. C'est triste. En tout cas. Bref, on va l'entendre avec podcast, et après ça, on vient avec la chronique CNX. Et c'est ça. On aime ça? Génial! Good! Merveilleux! Ça, tu parles d'un bloc productif, toi, où on a l'air de savoir où qu'on s'en va. C'est beau, c'est beau. On s'en parle. La journée qui s'en vient est flambant neuve. C'est le nom de la chanson qu'on écoute d'Avec Podcast. Ben, c'est fou. 89 FM. Même si la fatigue voudrait que tu deviennes. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant neuve. Je promets que la journée qui s'en vient est flambant neuve. Nous avons l'outil, il manque la manière. Je promets que la journée qui s'en vient flambant neuve. Je promets que la journée qui s'en vient flambant neuve. Vole-moi de ton mieux, vole-moi davantage. Gave-moi de ton amour pour chimer l'univers. Je promets que la journée qui s'en vient flambant neuve. Je promets que la journée qui s'en vient flambant neuve. Et nous, la vie nous rend heureux, nos yeux qui se mettent sur la noirceur. Et nous, la vie nous rend heureux, nos plus beaux accidents. Je promets que la journée qui s'en vient flambant neuve. Je promets que la journée qui s'en vient flambant neuve. Avec podcast qui est la pièce La journée qui s'en vient et flambant neuve à Assemblage Requis. Tantôt, on parlait du gala de la disque 2012. Et on a parlé aussi de l'autre gala. On n'avait pas dit les gagnants, on n'avait pas réussi à les trouver. J'ai réussi. Bon. Donc, album de l'année alternatif, c'était Fanny Bloom. OK. Mm-hmm. Qui était aussi en nomination, entre autres, avec Antoine Graton, les Delaware Chuck et N'Gabon, ainsi que Orange Orange. Sinon, grosse catégorie qu'on pourrait vouloir, mettons, savoir, peut-être anglophone, c'était Old Alias de Leonard Cohen. OK. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Attention. Album de l'année rock. Album de l'année rock. Les Cowboys Fringants ont gagné. Ouh! Avec l'album Que du vent. D'ailleurs, il y avait aussi en nomination Dumas. Oui. Et Pépé. Pépé. Pépé. Pour nommer que ceux-là. Vidéoclip de l'année Galaxy. Je savais pas qu'il y avait spectacle de l'année humour dans l'autre gala de la disque. Je trouve ça bizarre. C'est Lise Dion. Artiste québécois de l'année, c'est un le plus illustré hors Québec. On parle de Cœur de Pirate. Évidemment. Ça a été une bonne année pour elle. Quand même. Vidéoclip de l'année. Mm-hmm, ouais. Galaxy. C'est ça, Galaxy, je venais de le dire. C'est bon. C'est bon. Patrick Watson, interprétation dans d'autres langues. Pourquoi pas? Qu'est-ce qui reste d'autre? Autre langue, en anglais. Autre langue que le français. C'est okay, ça, ouais. Exactement. Album de l'année, meilleur vendeur. Ça, ça doit être vraiment dans nos cordes. Star Academy 2012. Qu'est-ce qui m'intéresse aussi? Instrumental. Qui a gagné instrumental? Sagapool. Sagapool. Je ne connais pas. Intéressant. Donc, allez voir les artistes au complet qui ont gagné sur adisque.com. Cliquez sur Gala 2012. C'est assez simple quand même. Tout à fait. Cool. Voilà pour ça. On a assez parlé de la disque. Maintenant, parlons un petit peu plus de choses, en tout cas, qui m'intéressent, moi, personnellement. Pas que la disque m'intéresse pas, mais moyennement. Ça. Non, c'est bien. C'est bien. J'ai été surpris cette année que, écoute... Autant de choses underground, ouais, je trouve. Ouais. Ça fait changement. Ouais. Ça fait du bien. Des gagnants qu'on connaît. Puis ça, c'est ce qui m'énerve. Puis à chaque année, on va le répéter sans cesse. Sur Twitter ou sur Facebook, tu suis ça, les gens sont comme « Ah bon, encore un autre gala qui commence avec 15 affaires que je connais pas. » Ouais, mais peut-être que c'est toi le problème, pas le gala. Peut-être que t'as pas vraiment de culture dans la musique, là. Blâme pas les autres pour ça. Il y a rien de mal à pas connaître la musique, là, mais sois au moins ouvert à peut-être être réceptif à l'idée de. Ouais, et si tu connais pas, justement, va les découvrir. Hein. Exactement. Je veux dire, il y avait du Marie-Pierre Arthur dans le montage d'ouverture. Je sais pas si tu regardais un petit peu. Non, montage d'ouverture, je l'ai raté, par exemple. Il y a plein d'artistes, genre Vincent Vallière. Salomé Leclerc était présent aussi, je l'ai vu. Exactement, mais c'est ça. Si tu connais pas ça, ben, c'est pas vraiment la faute des. C'est quand même un gros nom dans l'underground, on s'entend là-dessus. Bon. Donc voilà, on passe à CNX. Voici la chronique geek. CNX en ce lundi matin, un autre tour du web pour débuter la semaine. Ça fait du bien, ça. T'en as besoin des fois. Ouais. De temps en temps. Commençons avec un petit bloc thématique sur l'Halloween. Pourquoi pas? 22 minutes de... 22 minutes. 22 costumes de dernière minute pour l'Halloween. OK. OK, donc si vous avez rien trouvé bien encore, pas besoin d'acheter rien, pas besoin d'aller sur Internet pour commander, François, tu vas être capable de faire ça toi-même. Parfait. Par exemple, si tu prends une boîte, que tu la recouvres de couleur, n'importe quelle couleur, mettons bleu, et puis tu colles des verres dessus, tu vas avoir l'air de bloc Lego. Pourquoi pas? Ou encore, tu peux utiliser un sac de papier d'épicerie pour te créer une veste de safari. Tu sais, comme un gars qui va aller chasse aux girafes, je sais pas quoi. Moins sûr, là, celle-là. Moins sûr. Tu pourrais peut-être te faire un costume d'Oué Charlie si tu avais des pantalons genre bleu et peut-être un chandail où tu pouvais peut-être te faire des lignes rouges et blanches. Ouais. Une tuque. C'est vrai. Ça pourrait se faire. Tu pourrais prendre ta chemise carottée, barrer les carreaux pour faire des lignes avec. J'aurais pas mal de job à faire. Ça commence à être compliqué un peu, là. Tu peux transformer ton capuchon de veste ou de manteau et lui coller des dents de tissu, faire un genre de loup qui passe par-dessus la tête. Hein, quand même. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant là-dedans? Si vous avez des ballons, pourquoi pas vous déguiser en fruits? Par exemple, en raisin. En raisin, oui. Mauve ouvert, des petits... Ouais. Toujours, c'est selon BuzzFeed.com, cette liste-là, vous pouvez vous faire avec du papier d'aluminium, un casque de viking puis une armure. Ouais. Tu peux utiliser de la colle et du colorant à nourriture, du colorant alimentaire pour te faire une plaie d'en face. Ah! C'est de décoller ça après qui... Ah ben là, pense pas trop. Non. Si t'as un chandail orange, peut-être que tu peux le découper et dessiner un petit sourire comme une citrouille, déguisé en citrouille sexy. En tout cas, selon... Ça dépend. La fille, elle, ça marche parce qu'elle est sexy d'avance. Ouais. Mettons. Plein d'autres suggestions comme ça. Allez voir sur assemblagerequis.com pour le lien. Je fais le tour, voir s'il n'y en a pas d'autres qui pourraient être vraiment intéressants. Ah, le reste, c'est des choses de fun, mais sans plus. Ensuite, tiens, 23 citrouilles inappropriées. Donc, c'est des gens qui ont créé des citrouilles pour mettre sur le bord de leur porte, mais qui sont peut-être pas peut-être pas bons pour la famille, mettons. T'sais. Peut-être que la famille n'aimera pas ça, les petits-enfants. On a tous vu la citrouille qui vomit, là. Ça, je pense que c'est un classique. Ouais. Genre, la citrouille qui se fait aller à l'intérieur. Sinon, on peut avoir des mannequins qui se montrent les fesses, mais les fesses, c'est deux citrouilles. Ou la fille, c'est deux seins, c'est des citrouilles, ça. Hein? OK. Sinon, tu peux avoir une citrouille qui se mange elle-même. Donc, elle mange un bébé citrouille, un petit bébé citrouille. Allez voir les photos, là, ça donne rien à tout les expliquer. Mais une citrouille avec un fusil contre la tête. Il y a un paquet d'autres exemples comme ça. C'est des citrouilles de style original. Et j'aime ça. Parce que c'est plate, des citrouilles, sinon. Sinon, qu'est-ce qu'on a regardé aussi? On a cette vidéo où on peut retrouver, en fait, vous avez peut-être entendu, je sais pas, cette chanson-là va vous dire quelque chose. Là. Si elle vous dit rien, vous êtes en retard, puis ça me tente même pas de vous l'expliquer, mais quand même. Donc, c'est Halloween 2012. Uh-huh. Et là, ils ont synchronisé les maudites lumières de leur maison. C'est une maudite chanson. Oh non, mais OK. Je vais t'amener, merci. Ça fait comme 5 chroniques de suite qu'on l'écoute. Non, ouais. Rien que parce qu'il y a ça dedans, ça va faire. Ça fera. Mais ça fera, mais c'est cute quand même, c'est bien fait. Originalité, l'originalité, là. Gangnam Style version lumière d'Halloween. Donc, il y a des faces qui disent les mots. Ils vont synchroniser la chanson à chacune des bouches des lumières. Voilà. Sinon, une autre chose qui est à la mode en ce moment, autre que Gangnam Style, c'est des lumières LED, tu sais, les petites lumières qu'on connaît tous, là, les petites lumières blanches ou bleues ou des différentes couleurs. Eh bien, les porter sur soi, c'est à la mode en ce moment. Donc, d'avoir des lumières LED dans les cheveux, en avoir sur la tête pour un gars chauve, en avoir sur sa moustache, hein? En avoir sur les cils est aussi très, très à la mode. Donc, vous pouvez aller voir ces images-là et puis peut-être vous créer vous aussi votre propre costume. Peut-être aller acheter ça dans un magasin d'informatique ou de technologie. Les lumières LED, vous foutez ça sur la tête là, pour l'Halloween, pourquoi pas? Peut-être, hein? Ou pourquoi, en fait? Ouais, c'est ça. Pourquoi le faire? Costume d'Halloween parfait pour quelqu'un qui cherche encore un costume, c'est celui-là que j'adore vraiment. Il faut aller voir la vidéo, je vous la ferai pas jouer parce que chaque fois que j'essaie de faire jouer la vidéo, ça marche comme plus ou moins bien. Mais ici, c'est dans le fond, le gars, il s'est créé un genre de petit cercle de plastique avec une lumière, avec bon, je pense que c'est une lumière dessus. Je sais pas trop comment il l'a créé, mais quand même, allez voir les instructions. Et puis, ça tourne devant lui, donc il a l'air d'être un chargement sur Firefox, tu sais, un petit chargement de page, un chargement d'application. C'est avec de la colle, un couvert de plastique. Un paquet d'affaires comme ça, des petits ronds blancs. Voilà, c'est cute. Et finalement, oui, c'est bien finalement, 13 gifs d'Halloween, des gifs animés, évidemment. Donc, de films d'horreur, je sais pas si c'est tout de Paranormal Activity ou de choses comme ça, mais c'est des gifs que vous pouvez peut-être aller voir et vous faire peur vous-même, peut-être les poster à vos amis sur leur Facebook. Je sais même pas si des gifs animés marchent sur Facebook. Je sais pas. Mais bref, c'est des gifs qui font peur. Allez voir ça. Ensuite, je voulais vous parler de ça ici. C'est un karaoké genre de typing. Tu sais, typing comme dans au clavier, là. Ouais. C'est, mettons, bon, OK, on va l'ouvrir ici. Attention, on va monter le volume un peu. C'est sur typingkaraoke.com si ça vous intéresse d'aller voir ça. Et là, il y a plusieurs chansons, dont est-ce qu'il y en a une qu'on pourrait peut-être jouer? Ah oui, tu sais, il y a du Bon Hiver. Ça, c'est dans nos cordes, pas mal, ça, du Bon Hiver. Donc, on va cliquer sur Bon Hiver. OK. OK. La chanson se met à jouer. Parfait. Les paroles apparaissent en bas. Là, j'essaie de taper. Attention. Là, c'est l'intro qui joue en ce moment. Il n'y a pas de paroles. Okay. Mais les paroles apparaissent en bas de l'écran. Il faut que tu tapes les paroles en même temps. J'ai choisi une chanson avec une super longue intro, c'est fun. Et là, en plus, c'est un beau petit bonhomme déguisé habillé en hipster en arrière. OK. Là, ça va être Pour a Little Salt. Attention. Et puis, presque fini. Ah oui. Come on, Econ. This last the year. OK. Wow, hey, je l'ai eu. C'est marqué wow. Pour a little salt. We were never here. Nice. Tu vois, oh, ça va vraiment bien. Oh, ouais. My. Il m'appelle Dude. Ça commence à être plate, là, mais hey, c'est beau. En plus, il y a des feux d'artifice qui apparaissent. Ah, oh, fuck, j'ai oublié de faire l'espace. And crash. En tout cas, je vous le conseille, ça va très très bien. Moi, j'adore ça. Je me suis encore fait appeler Dude, et quand on m'appelle Dude, Triple. Ben, c'est ça, je trippe tellement. J'adore ça, c'est typingkaraoke.com, j'adore l'idée. Et l'exécution. Ah, j'ai oublié de vous dire quels autres artistes qu'il y avait dessus, mais bon, c'est pas grave. Sinon, tiens, si les gadgets avaient des intérieurs, tu sais, à l'intérieur de notre corps, on a des différents... Des entrailles, exactement. Donc, allez voir de quoi ça a l'air. C'est une galerie de photos par l'artiste hollandais Mads Petersen qui imagine nos électroniques de tous les jours avec des intérieurs d'humains. Pourquoi? J'en ai aucune espèce d'idée, mais quand même, c'est joli. Allez voir ça, il y a un Samsung Galaxy S3, un iPhone PS3, une manette de Xbox, un appareil photo, un tourne-disque, il y en a plein. Ensuite, une autre galerie photo de vitraux inspirés par les jeux vidéo. Par exemple, Zelda, Portal, Half-Life, Mega Man, donc tout ça en version vitrail. C'est très, très cute. C'est un autre artiste qui a fait ça. C'est un vendeur sur Etsy. Donc, Etsy, ça veut dire que vous pouvez les acheter vous-même si ça vous intéresse. Le vendeur s'appelle Martian Glass Works. Et il y en a une de Iron Man aussi. Donc, allez voir ça et procurez-vous-en, donc. Si on vient sur le... est-ce que je peux revenir? Oui, si on vient sur le Typing Karaoke, juste pour vous donner les artistes qu'il y avait. LMFAO, Jason Mraz, Radiohead, Carly Rae Jepsen, Usher, Edward Sharp. Ah, quand même, on a pu faire jouer du Edward Sharp. Kanye West et Stray Cats. Voilà, je tenais à le dire. La plus grosse brassière du monde est en vente, François. Sur eBay. Et elle fait une bâtisse au complet, donc c'est vraiment... Elle fait une bâtisse au complet? Ben oui, exactement. C'est une brassière qui fait la largeur d'une bâtisse. Ça a été créé pour l'association contre le cancer du sein, le Breast Cancer Association. C'est du 122B, François. Et... 122B. Ça pèse 165 livres. C'est énorme. Donc, ils l'ont certifié comme la plus grosse du monde en octobre dernier. Octobre dernier voulant dire octobre qu'on est dedans là, j'imagine. En tout cas, peut-être l'autre avant. Ça va être recyclé pour faire quelque chose d'autre. Je sais pas ce que c'était exactement, mais bref, ils ont décidé de la vendre aux enchères, cette brassière de 165 livres, sur eBay. Présentement, c'est à 3 300 $. Et l'argent va à l'association contre le cancer du sein, comme je le disais. Et si je vais sur ebay.co.uk, les enchères sont terminées, François. Ça a terminé à 3 601 $. Hey, t'as manqué ta chance. Hey, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas. Tu vas t'en remettre. Je sais pas. Tu vas t'en remettre autant que... Ah, voilà, que mon Firefox s'en est remis juste à temps. Si Mario avait un fusil avec lui, il ressemblerait à ça. C'est encore un autre artiste qui a modifié un fusil Nerf. Tu sais, Nerf, là, les fusils pour enfants. Ouais. Il l'a refait à la Mario. Donc, le gars s'appelle Cody Koala. Et puis, il a créé ce Super Mario Gun avec les couleurs classiques, rouge et genre de brun rouille. La lettre M pour Mario, un peu comme sur la casquette de Mario. Et à la place d'avoir un bout normal de plastique, c'est un tuyau vert. Et des tuyaux sortent des Bullet Bills, tu sais, les gros canons là, dans Mario. Hein. Ouais. Wow, hein. Donc, ça tire ça. Puis, il y a des effets sonores en plus. Donc, vraiment, c'est super beau. Allez voir l'article sur assemblagerequis.com. Ensuite, des films qui améliorent les scènes les plus classiques, les plus connues du cinéma. Donc, on retrouve par exemple A Clockwork Cat au lieu de A Clockwork Orange. Il y a Forest Cat au lieu de Forest Gump. Et là, on voit un chat s'asseoir sur un banc avec sa valise. The Incredible Cats au lieu de The Incredibles. Cat in Translation au lieu de Lost in Translation avec Bill Murray. Où on voit un chat en robe de chambre assis sur son lit. Cat Jaws, évidemment, mâchoire de chat. Hein? Les dents de la mère du chat. West Cat Story, Rocky the Cat, il y en a un paquet d'autres. Donc, c'est des chats sur des posters de films. Ça a été refait. C'est joli. Ah, ça, j'adore cette nouvelle mode-là. En fait, je sais pas si ça va devenir une mode, j'aimerais bien. C'est des photos avant et après avec quelque chose en plus. OK, tu sais, une photo avant-après, c'est bien le fun de voir quelqu'un qui était un petit peu plus gros, puis là, il perd du poids, c'est l'avant-après, OK. À la place, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une photo n'importe où sur le web ou on prend une photo dans la vie. Par exemple, un enfant sur le bord d'une plage avec son nom décrit devant. Et on fait un après qui est complètement autre chose. Par exemple, un monsieur à genoux, à terre, avec son doigt en train de juste peser sur l'asphalte. Et quand tu combines les deux ensemble, le après devient le monsieur en train d'écrire le nom du petit enfant de la première photo sur la plage. Tu sais. Oh. Ou par exemple, le petit enfant est en vélo avec un truc qui traîne en arrière, une barouette. Tu te photographies à genoux dans un bac de plastique, puis tu recopies cette photo-là dans l'autre photo, puis ça fait un enfant qui te traîne, toi, dans la barouette. Tu comprends? Donc, c'est un avant-après ou un avant-pendant-après, si on veut. Et j'aime bien l'idée d'aller voir ça. Une vedette de Disney qu'on connaît, en tout cas, si vous écoutez un petit peu Vrac TV, Cole Sprouse, c'est un des jumeaux dans La vie de croisière de Zach et Cody et La vie de palace de Zach et Cody. Eh bien, le gars, Cole Sprouse, a un compte Twitter qui s'appelle Camera soulignement Duels. Et ce qu'il fait, c'est qu'il prend des photos des gens en train de prendre lui en photo. Tu sais, parce que tout le monde le prenne en photo. Parce que c'est une vedette. Donc, lui, il prend ces gens-là en photo sans que les gens le sachent. Donc, c'est son compte Twitter majoritairement. Il donne des points aux gens par rapport au niveau de difficulté de la photo. Par exemple, si quelqu'un prend une photo de lui, Cole Sprouse, via le reflet dans un micro-ondes, ben, ça donne plus de points. T'sais, il donne des points aux gens comme ça. C'est une bonne idée. Donc, caméra, soulignement, duels. On y va rapidement. 15 façons plus cool de lasser vos souliers. Des nouvelles méthodes, en tout cas des méthodes que moi je connaissais pas pour lasser vos souliers pour que ce soit beau. La méthode de l'échelle, la méthode du zipper, donc faire des zigzags, faire des... en tout cas, c'est à expliquer un petit peu, mais quand même, c'est des façons cool d'attacher vos souliers sur assemblagerequis.com. 21 copies de figurines, des imitations de figurines en fait, comme par exemple à la place de Superman, t'aurais Special Man. Et là, c'est vraiment des figurines qui existent vraiment dans la vraie vie. On peut vraiment acheter ce Special Man-là. Il y a aussi Spider-Man au lieu de Spider-Man. Super-Heroic Man. Hein, pourquoi pas? Juste Super-Hero. Ils sont pas cassés à la tête, c'est juste Super-Hero. Planet Girl et un paquet d'autres. Mavel au lieu de Marvel. OK. Sinon, il y a aussi... ça, je trouve ça vraiment bien. C'est la galaxie. En fait, une photo de la galaxie dans laquelle nous sommes, c'est ça? La galaxie dans laquelle nous sommes, ça a du sens, hein? Je suis pas physicien. Ouais. La galaxie dans laquelle nous sommes, mais de très, très, très, très, très, en très, très haute résolution, c'est 84 millions d'étoiles et plus. C'est Vista, une place qui s'appelle Vista, qui a fait ça, donc vous pouvez naviguer dedans, zoomer, dézoomer, virer à gauche, à droite, et puis c'est ça. Donc c'est la Voie lactée, dans toute sa gloire. Et puis pour presque terminer, des voisins qui avaient des relations assez intenses dans l'appartement d'à côté, le gars, qu'est-ce qu'il a décidé de faire, c'est d'enregistrer les relations, les mettre sur un CD et laisser un petit message. Juste le bruit? Juste le bruit de ça, mais ce que ça donnait dans sa propre chambre à lui. Ah, donc il dit, voici un enregistrement de vous en train d'avoir des relations à partir de ma chambre à coucher à 4h27 du matin. C'est ce que j'entends et je n'arrive pas à dormir et tout ce que je veux faire, c'est dormir. Donc s'il vous plaît, calmez-vous. Signé Harrison dans l'appartement D1. Donc vraiment, le gars a noté son numéro d'appartement et son prénom. Mais ça doit bien fonctionner, là, en fait. Ça, j'imagine, mais Colin, c'est dangereux de, que le gars vienne de pataille. Ben, en même temps. En même temps. En même temps. C'est, tu sais. Mais. C'est un fait, là. C'est un fait. Tu sais, il peut pas. Tu veux qu'il dise, le gars. Ah, bon. Ah, c'était pas moi. Non, mais ouais, c'est ça. Là, ils vont peut-être des pataille, pour vrai. Exact. Voilà pour Célix aujourd'hui. Petit tour du web. Rien de bien grandiose là-dedans, mais quand même. C'est très bien. On s'est diverti. On prend une pause, on revient avec plus de choses. Donc, Kinky Sexy Time Edition. Ouh. Mm-hmm. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Peter! La pièce Carousel. Pièce que j'adore d'ailleurs. Peter qui va être en spectacle du côté de Gatineau. T'as un petit peu, si je suis capable de mettre la main là-dessus rapidement. Le samedi 17 novembre. Oh! Ouais. Dans deux semaines. Dans deux semaines. Écoute, c'est pas à côté de Gatineau. Là, mais non. Si des fois, ça vous tente d'aller visiter un petit coin. Pittoresque. Ben, pittoresque, non, plus ou moins. Plus ou moins. C'est un beau coin. T'as des activités à faire. Écoute, tu peux aller miser ta chemise au casino. Caroline, François, moi, j'essayais de complimenter la place. Tu fais comme, ben, tu peux aller perdre ton argent comme une épée. Non, miser ta chemise, ça veut pas dire que tu perds. Non, c'est miser, ça. Miser, tu mises, ça, mais... Tu pourrais revenir tout nu, comme tu pourrais revenir pleinement habillé. Ouais, en limousine. C'est ça. Yeah, c'est l'histoire du pas. Eh ben, l'histoire ne dit rien. L'histoire ne dit rien. Par contre, moi, j'en dis bien des affaires. Un peu comme Peter et son carrousel. Voici un carrousel de faits. Un carrousel de faits, ou en tout cas quelque chose qui tourne en rond comme un doigt dans... Hein? Comment? Excuse-moi. François, tu veux pas faire ce jeu de mots-là? Non. Non, non. Je devrais pas. Je t'ai arrêté, je suis Satan, là. Donc, commençons avec la dysfonction sexuelle la plus rapportée de la part des hommes. Donc, quelle est la dysfonction masculine la plus rapportée, la plus commune? Difficulté d'érectionner? Non. Non, étrangement, c'est pas ça. Non, c'est l'éjaculation prématurée. Ah, OK. Voilà. On vous avait dit que c'était Kiki Sexy Time aujourd'hui, je pense qu'on l'avait dit plus tôt. Peut-être pas dit au début là, pour ceux qu'on devrait peut-être avertir. Non, mais tu l'avais averti. Ça. Il y a longtemps de ça. 15% des adultes disent qu'ils ont eu des relations sexuelles. Où ça, tu penses? 15% des adultes ont eu des relations sexuelles à un certain endroit. Au bureau? Au bureau, exactement. 15%. Se coller avec ton nounours, ouais. Ça relâche les mêmes endorphines qu'avoir une relation sexuelle. Donc, se coller avec ton toutou. Oh. C'est la même chose. L'Église catholique est propriétaire d'une compagnie qui publie, une compagnie de médias qui publie de la pornographie et des choses érotiques. L'Église catholique. Eh bien, hein? Eh bien. En passant, on m'a fait remarquer que des fois, je répétais les faits. Là. Si jamais tu t'en rends compte, tu me dis, puis parfait, on s'excuse. Les études, d'accord, prouvent que les hommes et les femmes préfèrent un visage attirant plus qu'un corps attirant pour quelqu'un, dans le fond, pour avoir une relation à long terme. Okay. Ils préfèrent un beau visage qu'un beau corps. Dans les médias, certains diraient un corps pour une relation, tu sais, une petite bite, là. Hein? Ouais. Et pour une relation à long terme, c'est ça. Les femmes qui ont des relations en sens protégé sont plus heureuses et plus intelligentes à cause des propriétés du sperme. Dans le fond, c'est des propriétés qui font que tu as une meilleure humeur. Okay. Ou un meilleur humeur, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ça a pris 35 policiers armés d'AK-47 pour sauver un orang-outan rasé. Okay, qui servait comme esclave sexuel dans un brothel de Bornéo. Ça a pris 35 policiers pour sauver cet orang-outan rasé. Ça fait peur, ça. Ouais. Une étude a prouvé que les femmes qui perdent leur virginité alors qu'elles sont adolescentes ont plus de chances de se divorcer plus tard dans la vie. C'est qui perdent leur virginité à l'adolescence. Tu connais Hugh Hefner, le fondateur, propriétaire, etc. de Playboy? Ouais. Il n'a pas perdu sa virginité avant l'âge de 22 ans. Eh? Mais après ça, il l'a perdu sur un méchant temps, par exemple. Sur un méchant temps. Après les relations sexuelles, certains hommes vivent de la tristesse et du regret. On appelle ça la tristesse post-coïtale, le PCT. OK. Eh ben, une personne qui est attirée fortement par l'intelligence de quelqu'un s'appelle un sapiosexuel. C'est bien. Tu sais, qui est attiré juste en pensant à une fille en train de faire des formules mathématiques ou quelque chose genre. Je sais pas qui a ça, mais ça existe. Depuis 2005, l'Université de Yale a ce qu'ils appellent une Sex Week, la semaine du sexe, où les étudiants peuvent en apprendre plus sur le sadomasochisme, parler à des porn stars, etc. Ouais, ailleurs? Depuis 2005 à Yale, une université réputée quand même. Ah ouais, tout à fait. La plupart des hommes en dessous de 40 ans peuvent se rendre à l'érection en moins de 10 secondes. OK. En bas de quarantaine. En bas de 40 ans. Qu'est-ce que... Ah, est-ce que je veux le faire? Ouais, c'est pas si pire, celui-là. Il y en a des pires que ça. L'oculolinctus. Qu'est-ce que l'oculolinctus? Essaye de défaire ça en morceaux. Oculo et puis linctus. Linctus, c'est la langue, là? C'est ça, exactement. Oculo. Oculo, mais là... Oculaire. Ah! Lécher les yeux. Lécher les yeux! Ah. Oui, c'est l'acte de lécher les dans le fond, l'œil en tant que tel, la grosse sphère, là, pour s'allumer sexuellement. Mm. D'accord. Sildenafil citrate, c'est le vrai nom de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Sildenafil citrate. Aucune idée. Aucune idée, c'est le Viagra. Ah, et d'autres, c'est le nom scientifique. C'est ça, c'est le nom scientifique de médicaments de dysfonction érectile, dont le Viagra. Très bien. En 2009, les hommes ont dépensé combien de dollars, selon toi, en danseuses, sites pour adultes, sexe par téléphone, ça existe encore, et des prostituées? Combien d'argent en tout en 2009? Dans tout le monde, là? Ouais. Partout sur la planète? Partout sur la planète. C'est pas... C'est en milliards de dollars. C'est ça, des 500 milliards? Non, juste 5 milliards. Ah. 5 milliards en 2009. Ça dit les hommes, donc ça précise pas de pays. Ouais. Les docteurs peuvent maintenant faire pousser de la peau pour les victimes de brûlures, OK? En utilisant la peau qui était enlevée des enfants circoncis. Tu sais, quand on circoncise un enfant, on peut garder la peau. Il peut faire, après ça, pousser de la nouvelle peau pour des victimes de grandes brûlures. C'est intéressant quand même. Les chercheurs allemands disent que la relation moyenne, OK, relation, on parle de relation sexuelle, dure en moyenne 2 minutes 50. Mais les femmes sont sûres que ça dure 5 minutes 30 environ. Est-ce que j'avais déjà fait celui-là? Je pense que oui. Je sais pas. Eux, si tu leur demandes, ils disent que c'est... ou elles, ils disent que c'est 5 minutes 30. Le pourcentage de gens qui admettent avoir eu des relations sexuelles avec leurs cousins-cousines pourcentage de gens qui admettent ça? Je sais pas. 35%? Non, beaucoup moins que ça. Mm-hmm. Non, écran, oh, Caroline, 35%. Non, 6%. Non, mais t'as bien deviné. Mais moi aussi, je m'attendais à ce que ça soit plus haut que ça. Mais non, seulement 6%. Mais c'est toi qui me disais que... Oh, c'est cousin dangereuse. Donc, la plupart des hommes ont une érection à chaque heure à 1h30. Donc, entre 1h et 1h30 à chaque sol pendant leur sommeil. Ah. Pendant qu'ils dorment, ils ont une érection entre 1h et 1h30. À chaque... Bon. Ah bien. La plus longue érection qui a duré dans la vie, c'est 7 semaines. Oh, qu'on dit, là, 7 semaines de long. Je sais pas pourquoi. Certains gens ont des relations sexuelles pendant leur sommeil. Ça s'appelle la sexomnie. La sexomnie. Sexomnie. Un autre 6%. 6% du monde est accro au sexe. OK. Hmm. Le pourcentage d'hommes qui disent qu'ils aimeraient avoir des relations plus fréquemment. Combien tu penses d'hommes veulent des relations plus fréquemment? 90%. Non, j'aurais dit la même chose. 41%. Alors que seulement 29% des femmes disent ça. Pensent. Presque la moitié des adolescents ne croient pas que le sexe oral est du sexe. Est vraiment du sexe. Les relations orales. Lors de n'importe quelle journée, tu choisis n'importe quelle journée, par exemple le 29 octobre, 400 millions de personnes dans le monde auront des relations sexuelles. Aujourd'hui. Aujourd'hui ou n'importe quel jour. Celui-là, je suis un peu moins sûr, celui-là. Un petit peu moins sûr de vouloir le faire. Un autopédéraste. Autopédéraste. C'est une personne qui peut insérer son propre engin masculin par un arrière de son propre corps. Yeah. Ouais. Étrange, hein? Étrange. Ouais. Pas sûr de vouloir le faire. Trop tard. La botulinonie. Botulinonie. T'as payé? C'est... Non. ça pourrait pas, être ça. Ça pu. C'est d'avoir des relations avec une saucisse. Donc, je sais pas si ça peut être un pays aussi. Peut-être en Italie. Mamma mia! Mamma mia. Ensuite, 20% des femmes s'occupent d'elles-mêmes une fois par semaine. 20% des femmes. OK. D'accord. C'est bien dit, Matt. Merci. T'as bien suivi toute la patente. Je peux pas toutes les faire aussi bien que ça. Hein. Les adultes les plus sexuellement actifs dans le monde sont qui? C'est une catégorie de gens. En fait, c'est un pays. Des gens d'un tel pays. Qui a les adultes les plus sexuellement attirants du monde? Non. La France. Les pas attirants, excuse-moi, actifs. J'avais dit comme faux la première fois. Les gens les plus sexuellement actifs, c'est les Français. OK. Le café et le tabac descendent votre libido. OK. OK. La durée de vie d'un condom de latex, c'est d'environ 2 ans. Donc, gardez pas un condom plus que 2 ans. Tous les hommes qui ont passé la puberté devraient se rendre au moins 2 fois par semaine pour réduire le risque de cancer de la prostate. On devrait se rendre. 2 fois par semaine. Un adolescent moyen tombe enceinte à chaque 20 secondes et donne naissance à chaque 1,7 minutes. Hmm. En 2009, un homme de la Floride, un homme de 51 ans, a été arrêté parce qu'il avait eu une relation à 3 dans sa voiture, dans un stationnement d'une épicerie, avec 2 poupées gonflables. En 2009, un homme de 51 ans. L'acuculophilie, c'est le fétiche pour des engins. Chauve ou sans poils. Eh ben, il y a 80 cas qui ont été rapportés de gens avec un engin à double tête chez l'homme. C'est à double tête? Double tête. Eh mon Dieu. Je sais pas, j'ai jamais vu ça. Une compagnie de jouets sexuels a introduit, mauvais mot ici, a présenté un programme de recyclage où les gens pouvaient venir porter leurs objets pour qu'ils soient refabriqués, dans le fond, qu'ils soient recyclés en d'autres choses, par exemple des bandes parc. Okay. Tu sais, t'amènes ton sex toy là-bas. Un sondage nous apprend que les femmes australiennes sont celles qui ont le plus de chances d'avoir des relations à leur premier rendez-vous. Okay. Elles sont très comme ça. 800 millions de films porno sont loués par année aux États-Unis seulement. 800 millions. À n'importe quel moment donné, presque 25% de la population du monde rêve. Rêve de jour, là, tu sais, quand tu rêves là, le jour, c'est comment t'appelles ça? Rêve lucide. Éveillé. Là. Éveillé, exactement. Donc 25% des gens, à n'importe quel moment, rêvent de sexe, mais éveillé. Ah, 25%. 25%. Ça prend juste 2 cuillerées à table de sang pour monter, pour un homme, pour monter son appareil. 2 cuillerées à table de sang. Ça prend pas tant de sang que ça, parce que c'est le sang qui fait monter, évidemment. Les pieds et les souliers sont les 2 plus grands fétiches sexuels. OK. Okay. Les cochons ont un engin un peu en tire-bouchon, comme leur queue en arrière. Ouais, étrange. Et porter des talons de 2 pouces va t'aider à améliorer, en fait pour une femme, hein? on note ici pour les femmes, va aider à améliorer la force des muscles du pelvis. Pelvien, muscle pelvien, ce qui aide à arriver à un meilleur orgasme. C'est bien. Voilà. C'est tout pour cet effet Kinky Sexy Time Edition. Merci, Matt. Ça fait plaisir. T'as l'air moins dedans aujourd'hui. On a appris des affaires. Tu trouves? Ben, ouais. Un petit peu. T'as l'air moins passionné. C'est comme, on dirait, est-ce que t'as aimé ça, François? Je suis sûr. J'adore ça à chaque fois que tu parles de sexe. Good. ça va être la fin de la première heure. On va se quitter quelques minutes. Qu'est-ce qu'on a en deuxième heure, mon François? François Vernecmire. On parle d'examens. Les examens s'en viennent. Hein? Faut se préparer. Comment on se prépare? Comment est-ce qu'on fait ça? C'est comme ça. C'est comme réussir. Mm-hmm. On va aussi avoir à 8h30 Alexandra Carrier. Sa chronique art et spectacle, le temps d'une culture. De quoi est-ce qu'elle va nous parler? J'imagine sûrement de spectacle ou d'art. Ou d'art. Ou de culture. Ou les deux. Ou les trois. Ou les trois. Ou les trois. Restez là. Pour l'instant, c'est l'Info Campus. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage requis en ce lundi 29 octobre 2012, il est 8h juste, et moi c'est Mathieu Plante, François-Olivier Marchand est là aussi bien évidemment, n'est-ce Bonjour. Pas? Bonjour! Ça va? Ça va très bien toi? Ouais. Tu t'en vas? Tu joues avec tes affaires? Non, j'arrive. Ah, t'arrives? T'arrives de où? Qu'est-ce que ça allait faire? Non, j'essaie des écouteurs pour Madame Mire, mais bref, je me rends compte que c'est pas la grosse qualité. C'est pas la panacée, comme ils disent. Ouais, moi, qu'on exact. Utilise jamais dans la vie, mais qu'on utilise juste pour cette situation-là, c'est pas la panacée. T'sais. Ça veut dire quoi? Je sais pas. Donc, parlant de Véronique Mire, elle s'en vient, elle va nous aider à préparer plein de choses. C'est quoi? C'est se préparer pour les examens, c'est ça? Exactement. Oh, ça va être bon. J'ai hâte d'entendre ça. Pour l'instant, on écoute Amélie. Voici la fête, parce qu'on fera la fête après avoir réussi ses examens. T'sais. Examen, ensuite fête. Alcool. Même la mort s'amuse. Ah, ils sont en train de rire de mes fêtes tantôt. Il y en avait des intenses là-dedans. Je m'excuse pour ça que ça a pu offusquer. On se demande aussi qui trouve ça. Hein? Ouais. Ouais. Mm-hmm. C'est beaucoup de recherche. Tu sais. C'est beaucoup de temps consacré à visionner. Recherche seulement. Ouais, c'est ça. Recherche seulement. Ouais, c'est une chronique à succès. Il faut mettre un petit peu de temps là-dessus si tu veux avoir une relation qui a de l'allure avec, avec tes auditeurs et cette chronique-là. T'sais. Et j'aime ça. Ouais. Mm-hmm. Donc, on vient d'entendre Amélie. Évidemment, il fallait que je fasse un lien avec la fête avant pour, en fin de compte, pas passer la pièce, la fête, sans faire exprès. Je joue la mélodie, mais quand même, la mélodie, c'est le fun, pareil. Oh! Oh là là là là! Tout à fait! Ouais. Véronique Mire est avec nous. Me voilà! Enfin! Me voici. Enfin! Oui, me voici, me voilà! Pour deux semaines! Oui, tout à fait. On s'ennuyait tout. Quelle Halloween, hein? Hey, c'est ça, c'est l'Halloween mercredi. Tu devais pas te déguiser pour la semaine de l'Halloween? Oh, mon Dieu, c'est vrai! Dommage. Je vais oublier. Non. Ouais. Prochaine fois, peut-être à Noël. À Noël? Tu te déguises pour Noël? Non, non, pas vraiment. Ça marche pas, ça attend pas. À suivre. Il y a d'autres fêtes où on se déguise. J'ai pas eu l'occasion de le faire cette année, mais le déguisement. Ouais. Non, non, non. Ça n'a pas donné, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Puis vous? Non, mais j'avais un souper meurtre et mystère vendredi. Oui, j'étais déguisé un peu, mais sans plus. Là, étais-tu le tueur ou. Non. Non. Non, et j'ai pas deviné le tueur. Non. Eh ben, eh ben. C'était Guy Jodoin. Non, ça, c'est le tricheur. Bon, donc ce matin, c'est la suite de la dernière fois où je vous ai parlé de comment vous préparer aux examens. Aujourd'hui, on va parler de comment passer les examens. Oh, les réussir, parce que c'est bien beau se préparer. Oui, réussir, comment les faire en tant que tel. Donc, parce que ce qui est le plus stressant des examens, c'est qu'on n'a pas de contrôle sur la situation. Vrai. Toutes les situations, examens, entrevues, c'est un peu la même chose. On n'a pas de contrôle, donc c'est stressant. Par contre, il y a des façons de prendre contrôle de la situation. Puis c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, comment prendre contrôle des examens. Donc, plusieurs fois pendant la chronique que je vais vous dire, voici une façon de prendre le contrôle. En fait, c'est ça qui va nous permettre d'éviter le stress puis de bien réussir. Est-ce qu'on prend des notes? Est-ce qu'il y a un examen par rapport à ta chronique sur les examens? Eh non! Ben non, dommage. Mais peut-être un quiz la prochaine fois. Main sur la basseur. Ben oui. En fait, c'est ça, une façon de prendre le contrôle. Entre autres, vous pouvez demander au prof, bon, c'est quoi qui va être à l'examen, hein? Bon. T'as le droit de demander ça. Oui, on peut demander au prof, bon, qu'est-ce qui va être à l'examen? Mais des fois, ils sont assez évasifs C'est ça. Il y en a qui vont dire « Tout est à l'examen. » Oui, ben oui. C'est ce qu'on a vu. Puis en fait, ils n'ont pas tort. Si on regarde ça, bon, moi, je suis du point de vue un peu peut-être du prof, là, mais bon, dans le sens que dites-vous qu'un cours, c'est une toute petite fenêtre sur l'ensemble des possibilités de ce qui pourrait être présenté sur un sujet. Donc, il n'y aurait pas tort. Mais il y a quand même pas mal de profs, là, j'allais dire d'examen, qui nous indiquent qu'est-ce qui va être à l'examen. C'est vrai. Donc, il y en a qui nous prennent plus par la main que d'autres. Là. Je vous dirais qu'il y en a qui vont carrément regarder le livre avec ça, nous. Ça va être à l'examen. Ça va être à l'examen. Surtenez pas ça. C'est aussi stressant un que l'autre. Hein. Mais ouais, ça, c'est dangereux parce que si, exemple, ils ont oublié de mentionner des choses que tu n'as pas nécessairement révisées, ça peut être... Oui, oui. Mais il faut faire tu t'attends attention. Vraiment à juste ce qu'ils disent. Non, non, non. Non. Puis c'est ça, faut pas non plus... Ben, en tout cas... Mettons un bémol, mais je veux dire, Non, si un professeur vous dit ça, c'est pas à l'examen, ça, c'est à l'examen, ben allez quand même voir le reste. Ouais. Parce qu'on prend pas de notes sur tout ce qu'on dit. Là. Bon, ça va l'être, ça le sera pas. Donc, pour éviter les étudiants qui disent, ben là, il avait dit que c'était pas à l'examen, puis c'est à l'examen. Donc, quand même, le reste, bon, vous n'avez pas à y porter une attention aussi importante, mais quand même, assurez-vous au moins d'avoir compris le reste. C'est ça. J'espère qu'il y en a qui, il y en a pas qui font exprès pour te dire que ce sera pas un examen, mais finalement, se ligne pour voir qui suit vraiment. J'espère que non. Non, sûrement pas. Non, non. Ça se fait pas ici. Faut pas l'écouter. Non. Vous pouvez aussi demander ça va être quoi le type d'examen. Genre de questions. Est-ce que ça va être bon? Choix de réponse. Ben oui, c'est ça. Vrai longues ou faux, explications. C'est ça. Ou allez-vous voir. Mais ça, généralement, les profs vont le dire. Là, on va y revenir ça, tout seul avant. Oui, c'est ça. Aussi, vous pouvez prendre une chance et demander si c'est possible d'avoir les examens des sessions passées. Ah! Puis il y a quand même pas mal de profs qui en donnent des exemples, sauf s'ils reprennent le même. Ouais, c'est ça. D'une session à l'autre. Ben, normalement, on essaye. De nos jours, c'est tellement facile de copier et de vendre sa copie. Ou demander à un prof qui donne le même cours de vous donner peut-être un examen d'une session passée, juste pour se pratiquer un peu. Le but de tout ça, c'est de varier l'étude. Oui. Donc, juste pour revenir en gros sur les stratégies qu'on a vues la dernière fois. Donc, rappelez-vous que faut toujours partir du général au particulier. Hein, ça, c'est bon pour toutes les stratégies d'études. Donc, avant de commencer à ouvrir votre livre et à mémoriser les choses une après les autres, prenez le temps de voir, bon, c'est quoi le contexte du cours. Logiquement, il est situé où dans le cadre du cours en entier? De quoi ça parle? C'est quoi la suite? Donc, pour vous remettre dedans, pour comprendre la logique des choses. Donc, la mise en contexte. Aussi, n'oubliez pas que vous n'avez pas à étudier 3 ou 4 heures en ligne. Il y en a beaucoup qui font ça, là, des grosses périodes d'études intenses, des 24-48 heures d'études. Oui, tu dors pas juste avant, puis tu arrives plus magané que ça. C'est ça. Hein, le fameux bourrage de crâne. Ouais, en fait, non. Donc, évitez ça. Ouais. Non, c'est ça. Faire des. Non. Non, François est intelligent à base, là, on s'entend. Tu sais ça. Regarde là, il est intelligent, ce gars-là. Bah, merci. Voilà. Voilà. Donc, faire des blocs d'études, prendre des pauses, c'est bien important. Des vraies pauses pour se lever, se récompenser aussi. Mm-hmm. Puis toujours prendre le temps. Ce qui est la clé là, dans tout ça, c'est la révision. Ouais. Souvent, bon, justement, les fameux blocs de 3-4 heures d'études, quand on est tanné, ou même la fois d'après, bon, on va se dire, bon, qu'est-ce que j'ai étudié déjà avant? On va réviser, puis là, on se rend compte qu'on a manqué un bon bout. Hein? Un bon bout. Qu'on était fatigué, tanné un peu. Puis là, ben, faut tout reprendre ça. Tandis que si à chaque heure, vous vous arrêtez puis vous dites, bon, qu'est-ce que je viens d'étudier là? Qu'est-ce que j'ai compris? Là, vous allez créer la fameuse empreinte. Donc, c'est comme ça que ça va vous rester en mémoire. Hein? C'est ça qu'on veut quand on étudie. Et n'oubliez pas de varier vos méthodes d'étude. Je vous rappelle qu'il n'y a jamais personne dans vos vies qui vous a dit qu'il fallait étudier assis et en silence. C'est vrai. As-tu essayé des stratégies de la dernière fois? Ça t'a donné? Oh. Ben, pour mon examen cette session-ci, j'avoue que j'ai pas vraiment révisé. En fait, là, j'ai fait les exercices, puis tu sais, on avait le droit au livre. Donc, okay. Ça a bien été. Ben non, ça a pas bien été. Oh. Fallait pas. Non, mais c'est pas grave. Écoute, je l'assume. Hein. Ça a pas bien été, ça arrive. Mais. Non, j'ai pas révisé. Moi, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui demandait c'était quoi la méthode avec les petits, le site web. Là. J'ai répondu, je m'en suis souvenu. Le petit logiciel, là? Oui, c'est ça. Anki, là? Anki. Ça, c'est super bon, oui. Application aussi sur les iPhones. C'est cool. Oui, en passant, je vous glisse le mot. Il y a un logiciel aussi, il est disponible sur le Apple, là, oui. Mais aussi, on peut l'avoir sur Mac, PC et tout. Ça s'appelle Write or Die. Donc, petite parenthèse, pour ceux qui ont de la difficulté, là, le problème de la page blanche. Là, ouais. Pour c'est write comme écrire. Write or Die. Petite parenthèse, on y reviendra pendant la session. Donc, variez vos méthodes, n'oubliez pas. Bon, faire des acronymes, par exemple. On se rappelle, pour retenir les 5 grands lacs, c'était quoi déjà? Hey, Colin! Je savais qu'il y aurait des questions, puis je les aurais pas. Souvenez-vous? H, il y a un H. En anglais, ouais. En anglais? Great. Une maison. Holmes. Holmes. Donc, pour retenir les 5 grands lacs. Huron, Ontario. Michigan, Érié, Supérieur. C'est ça, je dis. Voilà. Tu as dit qu'il me fallait une chanson. Il me faut une chanson. Sauter à corde de danser. Ouais. Ben, y en a qui font ça aussi. Hein. Donc, varier, faire des rimes, trouver des exemples, les questions. Donc, Anki qui fonctionne très bien. Si vous pouvez discuter de la matière, vous créer des images. Aussi, étudier dans des ordres différents. Okay. Hein. On étudie souvent, on ouvre le livre, on étudie le cours 4 du début à la fin. Tout le temps, du début à la fin. Bon, puis le début, ben, on s'acharne beaucoup. Au milieu, on est fatigué, est tanné. Puis à la fin, comme dans toute chose, on se dit « Hey, il en reste pas long, on donne un petit coup. » Puis donc, varier l'ordre aussi, ça, c'est plus stimulant intellectuellement de faire ça comme ça. Donc voilà pour le petit retour sur la dernière chronique. On va prendre une petite pause. On va écouter la fameuse chanson de Pascal Picard. Pascal! Voilà, donc c'est smiling, hein, pour rappeler à tout le monde de sourire, peu importe la situation. Donc, tout est dans l'attitude. Et après, on va voir comment passer l'examen en tant que tel le jour J. Oh! De ton assemblage requis. Also, so tired of listening to me. Pascal Picard et la pièce Smiling à Assemblage requis. C'est toujours la chronique de Véronique Mire du bureau de la Réussite étudiante. Eh oui, voilà. Donc, on a vu un petit retour avant la pause musicale. Hein. J'espère que vous avez bien aimé la chanson de Pascal Picard. Sûr que oui. Donc, toujours l'attitude positive. Hein. C'est ça beaucoup que je montre à mes étudiants. Tout est dans l'attitude de se dire ça va marcher, c'est une expérience, on verra bien. Puis, hein? Voilà. Donc, le jour J, le jour de l'examen en tant que tel. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Ben, idéalement, c'est sûr que quand on a un cours à 8h30, un examen à 8h30, faut pas se lever à 4h pour étudier avant. OK, on fait pas ça, parce que c'est ce que les gens auraient peut-être tendance à faire. Mais oui, hein, majorité, j'aurais pas de chiffres là-dessus, mais peut-être, je dirais, hein, peut-être. La prochaine fois. Il est trop tard. 75%. Il est trop tard. En fait, quand on fait ça, là, c'est quoi? Tu es en train de dire aux gens qui peinent perdus, vous réussirez pas votre examen. Non, mais ça n'améliorera pas ta note. Okay. Non, mais en fait, quand on fait ça, c'est qu'on admet hein, qu'on n'a pas assez étudié. Oui. On se dit, bon, ben là, il faudrait que j'étudie encore. Je me suis pas pris d'avance. Quelqu'un qui fait ça, qui étudie jusqu'à la dernière minute avant l'examen, c'est parce qu'il sait qu'il aurait fallu qu'il commence à l'avance. C'est pas parce qu'il veut rentrer beaucoup de choses dans sa tête, c'est parce qu'il a manqué de temps. Ou parce qu'il était trop fatigué, bon, des choses comme ça. Plein de raisons. Donc, plein de mauvaises raisons, en fait. Donc, ben, de raisons. D'excuses. C'est pas que ses raisons sont mauvaises, là. Il est juste en avant le temps. Donc, à 8h30 le matin, évitez ça. Bon, aussi, si votre examen est plus tard dans la journée, il faudrait prendre une pause idéalement au moins 2 heures avant l'examen. Se changer les idées. Oui, se changer les idées. Ça donne à rien de stresser non plus jusqu'à la dernière minute. Là. À la limite, ça va juste te nuire. Là. Oui, c'est ça qui provoque les blancs. Oui, tout à fait. Donc, les blancs de mémoire. Là. Donc, une bonne pause, aller marcher, faire du sport, pas trop intense là, quand même. Faut pas être à terre non plus quand on arrive à l'examen. Tout mouillé à l'examen, c'est pas beau ça. C'est ça. Bon, je dis toujours, faites pas de lutte. juste avant l'examen. Donc, c'était contre la lutte, toi? Hein, je sais pas. Une bonne marche, écouter de la musique, regarder un film. En fait, c'est qu'il ne faut jamais oublier que votre cerveau, lui, continue de travailler, même si vous ne travaillez pas intellectuellement. On a juste à penser la nuit, là, quand on se réveille et qu'on pense à plein de choses, hein, ben, on le fait pas volontairement, notre cerveau continue. Arriver 5-10 minutes avant l'examen, pas plus que ça. En fait, c'est pour éviter justement les fameux anxieux là, qui vont se poser des questions juste avant l'examen ou « Hey, t'as-tu vu ça? Comprends-tu telle chose? » Ah, OK, parler aux autres, ça va te... Ouais, sur la matière. Des fois, là, ça te crée des questions, là, un raisonnement, là, tu deviens fou. Ah, c'est ça. Puis là, on écoute ça, puis on se dit « Ah non, c'est quoi ça? Je m'en rappelle plus. » Puis là, on va voir dans nos notes. Oui, puis t'entends l'autre voisine qui est 2-3 bureaux plus loin qui parle à son amie, puis mon Dieu, qu'elle a l'air à comprendre, elle. Elle parle des affaires que toi-même, tu comprends pas, là. Donc, c'est rien pour t'avantager. C'est du bourrage de crâne. Ah, mon Dieu. C'est ce qu'on appelle l'effet de récence. J'en avais parlé l'autre fois. Donc, tous les trucs qu'on revoit dernière minute avant de passer un test, c'est de ça que votre cerveau va se souvenir en priorité. C'est pour ça que des fois, on arrive à l'examen, puis il y a des idées qui n'arrêtent pas de revenir, c'est les dernières. Donc, si vous êtes en plus stressé ou anxieux aux examens, vous provoquez des blancs de mémoire. Donc, évitez ça. Idéalement, créez votre bulle. Hein? Donc, écoutez de la musique, lisez, faites d'autres choses vraiment pour vous changer les idées. Donc, à un moment donné, il faut se faire confiance. Hein? Puis le fait d'arriver 5-10 minutes à l'avance, c'est justement une façon de prendre le contrôle de la situation. Un étudiant qui arrive à la dernière minute, c'est pas bien. Il peut être stressé d'arriver en retard. C'est ça. Je veux savoir de la place. Choisir sa place aussi. Hein? Des fois, à l'examen, tous les trucs. une petite chaîne en garde, j'entends. Tous les trucs stressants, là, bon, les gens qui reniflent parce qu'ils ont le rhume, la grippe. Oh, les tabarouettes. Bon, ceux qui prennent trop de place, là, qui bougent tout le temps, qui nous énervent. Bon, pour choisir une bonne place. Mais c'est quoi la meilleure place? En avant, en arrière, ça n'a pas d'importance, là, d'un examen? Non, pas vraiment, mais idéalement, plus sur le bord de l'allée. Ben, je dirais, c'est plus, bon, quand on sort. Quand on sort de l'examen, on n'a pas à dire excusez à tout le monde, puis à déranger tout le monde en sortant. Mais bon, c'est comme dans l'avion, si tu te mets à la fenêtre, de la misère à sortir. C'est ça, au cinéma et tout. Donc, bon, idéalement, mais ça dépend aussi. Là. C'est surtout pour les étudiants stressés qui veulent sortir vite. Évitez de vous mettre loin dans le fond, c'est sûr. Donc, quand on reçoit le questionnaire, faites attention d'abord, est-ce que le professeur vous donne des consignes, soit au tableau ou oralement? Genre, pour les examens de mathématiques, attention, tel chiffre n'est pas bon, allez changer telle variable, ou je vous demandais de faire le bilan pour les 6 derniers mois, ça va être pour les 3 derniers mois, des choses comme ça, faut être vraiment attentif, là. Sautez pas sur l'examen, c'est pas le steak de la famille, là. Donc, prenez le temps de le recevoir, lisez bien les consignes, surtout si on vous indique que c'est un examen à correction négative. Par exemple. Ça veut dire que... On vous enlève des points si vous n'avez pas la bonne réponse. Et on commence à 100, puis on descend. Oui, ça peut descendre si on n'a pas les bonnes réponses. Puis pire encore, ça peut descendre si vous ne répondez pas. Il y en a même que c'est ça. Oui, ou si vous répondez autre chose. Ben, c'est ça, si on n'a pas la bonne réponse. Ouais. Donc, correction négative, il y en a de moins en moins, mais bon. Est-ce que ça change vraiment la note par rapport à commencer à zéro et donner des points pour les bonnes réponses? Parce que je pense que tu peux dépasser le 100 ou quelque chose comme ça si tu commences à donner des points à chaque bonne réponse, j'entends ça? Non. S'il y a des questions bonus, oui. OK. Mais sinon... Puis les questions bonus, il n'y en a pas vraiment, là, peut-être en sciences d'éducation, en psycho, des fois, où il y en a, mais dans les autres départements, c'est très rare. OK. Donc, un point bien intéressant, c'est de se faire un petit coffret de sûreté. Moi, j'appelle ça comme ça. Donc, les trucs que vous avez eu beaucoup de difficultés à retenir, ou des trucs vraiment importants que vous ne voulez pas oublier, les dates, des noms de personnes ou des équations, formules, c'est ça. Faites-vous votre petite banque de sûreté. Donc, avant même de commencer à regarder l'examen, vous lisez les consignes, première chose, écrivez votre nom, évidemment. Retournez l'examen au verso ou dans un coin quelque part, écrivez-les, ces choses-là. Donc, les choses que vous voulez vraiment pas oublier, c'est une autre façon de prendre le contrôle de la situation. Justement, si pendant l'examen, vous stressez, vous rappelez plus de quelque chose ou vous sentez que ça va pas bien, vous retournez voir dans votre petite banque de sûreté, vos trucs importants sont là. Donc, sont gardés. Donc, ça, c'est une bonne façon de ne pas oublier certaines choses pour les examens, plus un peu de par cœur. Donc, ça sauve souvent la mise. Si vous êtes bien stressé, vous pouvez amener un petit sac aussi, parce que des fois, tu sais, t'es stressé. Ou alors, peut-être. Ensuite, on survole l'examen. Donc, le survoler, ça ne veut pas dire de le lire. On ne le lit pas. Là. C'est juste le survoler pour voir le nombre de questions. Okay, on regarde, ça ressemble à quoi? Ouais, recto, verso. Est-ce qu'il y a un verso? Ça arrive, les étudiants qui oublient le verso. Non, mais non. C'est malheureux. Ils font tout l'examen juste le à droite? Ah oh, oui, oui. Il y en a qui font ça. Des fois, les profs qui mettent des questions à 20 points à la fin, par exemple, pour savoir que bon, il faut garder du temps pour les grosses questions à la fin. Donc, un survol rapide. Ouais, tu peux regarder le nombre de points qui est alloué à chaque question. Oui, c'est ça. Puis répondre au plus important en premier, non? Oui, c'est ça. Tu peux ça, faire tu ça, peux, faut juste le faire dans l'ordre. En fait, ça va exactement dans le sens de ce que j'allais dire. Une autre façon de prendre le contrôle, c'est de se dire, l'examen, je suis pas obligé de le faire dans l'ordre. Si vous voulez commencer par les vrais ou faux, si vous voulez commencer par les choix multiples ou par les grosses questions en premier, il y en a qui commencent aussi par la fin. C'est une façon de prendre le contrôle. Parce que je vous rappelle, c'est ça qui est stressant d'un examen. On n'a pas de contrôle. Donc, pour prendre le contrôle, on peut se dire, je vais le faire dans l'ordre que je veux. Mm-hmm. Donc, ça peut être une bonne façon. Bonne idée. Donc, la clé, c'est la lecture de la question. Hein? Évidemment, là, prenez le temps de bien comprendre la question. Soulignez les mots importants dans la question. Faites attention aux verbes utilisés. Si on vous demande de décrire, d'expliquer, de comparer, d'illustrer, bon, c'est toutes des choses différentes. Oui. Donc, le verbe est important. Donc, on commence par répondre aux questions faciles. Je vous dirais que plus que 30 secondes passées sur une question, c'est trop long. Ça provoque du stress, on perd la confiance. Tu ne sauras pas. Si tu n'es pas capable de le faire en 30 secondes, tu ne l'auras jamais. Non, c'est ça. Puis 30 secondes, c'est assez long. Ouais. Hein? Donc, passez à l'autre. Donc, on répond à toutes les questions faciles. Évidemment, bon, celles pour lesquelles on n'est pas sûr, on fait une petite marque. Hein? Ça, c'est assez... Et on y revient à la fin comme en garde des clans. C'est ça. Voilà, en garde des clans, si tu ne reviens pas, tu perds des points. Mmh. Ah oui? Ouais. Si tu réponds pas. Ah oui, c'est vrai, la phase finale. Ben oui, c'est ça. Puis ensuite, bon, on revient sur toutes les questions pour lesquelles on n'a pas répondu, bon, qui ont été difficiles. On prend le temps, on retourne voir dans notre petite banque de sûreté si on n'aurait pas des idées. Des fois aussi, le fait de se dire, bon, ben elle, je ne l'ai pas, je vais continuer à lire, des fois, ça nous fait revenir des choses. Donc, il faut toujours aussi se donner la chance. Hein, on ne sait jamais, là. Oui, exactement. De marquer une réponse aussi, là, même si t'es pas sûr, à saison 1. Ben, sauf si c'est à correction négative. Justement, mais oui. Mais vaut sinon, mieux écoute, essaye, là. À correction négative, voilà. t'es mieux pas répondre. Ben, si t'enlèves des points pour la mauvaise réponse. Mais t'enlèves pas de points pour pas avoir écrit de réponse du tout. Ah, mais. Ça dépend. Tu réponds à rien, puis ça, non? Non, mais tu peux perdre plus de points si tu marques autre chose que si tu marques rien. OK. Tant mieux, mais c'est bon à savoir. Oh, oui, c'est ça, mais il faut le regarder dans les consignes. C'est rare, là, ça. Ouais, c'est rare. Tu cherches un peu les bébites. Oh. L'important, c'est de prendre le temps de réviser. Puis un petit point intéressant, hein? Évitez de changer une réponse, sauf si vous êtes absolument sûr que la nouvelle réponse, c'est la bonne. Tu peux tout gâcher en faisant ça. Ouais. Ouais. Genre, vous aviez mal lu, puis vous rendez compte que vous n'aviez pas vu un petit élément de la question qui fait toute la différence, donc vous le changez, ou vous avez un éclair de génie, puis vous rendez compte que c'est pas ça. Donc, évitez ça. C'est donc fâchant hein, que la première réponse était la bonne. Donc, voilà. Ouais. Donc, on va encore prendre une petite pause, puis je vais prendre un petit 2 minutes à la fin juste pour vous donner des petits cues sur les types de questions. Ce sera pas très long. Puis, ça va être terminé pour aujourd'hui. Donc, cette fois-ci, c'est une chanson de la trame sonore. Hein. J'aime beaucoup les trames sonores. T'aimes ça, c'est le fun. C'est assez varié. C'est sur un CD, t'as plein d'artistes. Oui, c'est ça. Puis là, c'est I Am Sam. Donc, je suis Sam. OK. Un film. Ça, c'est le film. On cherchait encore l'acteur principal du film. C'est mais pour les amateurs des Beatles, donc, c'est des reprises des chansons des Beatles. Alors, moi, je vous fais écouter la chanson de Sarah McLachlan, Blackbird. Très bonne petite chanson. Donc, bonne écoute. Vous êtes à l'assemblage requis. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of the dark black night. Thank you. take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. La pièce Blackbird des Beatles, reprise par Sarah McLachlan. Très bon, hein? Oui, tranquille, c'est bon. Tranquille, tranquille. Pour terminer, hein, on a vu tantôt bon, comment le jour de l'examen en tant que tel, arriver un petit peu en avance, créer votre bulle, répondre aux questions les plus faciles en premier, mm-hmm. le petit coffret de sûreté qui fait toute la différence. Bien apporté. Pour terminer, quelques indications sur des types d'examens ou de questions. Donc, l'examen, allez-vous vers, en gros. Faites-vous pas avoir. C'est les examens les plus difficiles. Hein, ça souvent, a l'air d'être le plus facile. Oui, c'est quand ça. Ben, en fait, ce qui est bien avec ces examens-là, c'est que vous n'avez pas à étudier, mémoriser les choses. Par contre, il faut bien comprendre. Il faut noter. C'est pas le temps de chercher dans son livre. Non, exactement. C'est un donc, gros livre. Là. Mettez-vous des post-it pour une table des matières. Aussi, un petit conseil que je donne souvent aux étudiants, apportez-vous des post-it de plus. Par exemple, des post-it jaunes. Puis, bon, quand vous trouvez une réponse pour l'examen, vous mettez toutes les post-it jaunes aux endroits où il y a des réponses. Donc, comme bonne ça, idée. Si vous avez à réviser après, vous retournez à ces endroits-là. Les examens de maths ou de sciences, hein, la clé, c'est dans l'exercice. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Évitez de faire vos exercices avec le corrigé. Donc, toujours d'aller plutôt voir la logique de l'exercice. Mettez des mots sur les problèmes, des variables. Hein, c'est pas que des A, des B, des C. Qu'est-ce que ça veut dire, ces variables-là? Comprendre la logique de la chose. Donc, mettre des mots. Les examens, plutôt les questions à choix multiples. A, B, C, D. Des fois, ça peut être E, F, G, H, etc. lisez la question. Trouvez la réponse dans votre tête et ensuite, allez la trouver dans les réponses. Parce que c'est fait pour vous mélanger, évidemment, les choix multiples. Ben, puis les quiz à la télé, souvent, D, c'est une blague, la réponse. Ah, mais là, c'est pas des blagues dans l'examen. Non. C'est souvent des choses assez semblables ou la suite logique. Donc, trouvez la réponse dans votre tête. S'il n'est pas là, mais là, il faut y penser un petit peu plus, là, c'est sûr. Allez-y par élimination. Si vous n'avez vraiment pas de réponse, prenez une chance. Hein? Ouais. Sauf si c'est à correction négative. Ah, voilà. Donc, pour les choix multiples, les vrais ou faux, c'est la même chose. C'est fait pour vous mélanger. Donc, portez attention aux termes forts. C'est écrit toujours ou jamais dans l'affirmation. Bon, c'est rare que c'est toujours ou jamais. Les doubles négations. Ne ça pas. Ça dépend. Ça, c'est mélangeant. Donc, deux moins. Hein? Donc, en maths, ça fait un plus. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Question à développement, encore une fois, lisez bien la question, soulignez les mots importants, surtout le verbe qui vous est demandé. Faites-vous un plan de la réponse et ensuite rédigez. Faites pas de dentelle, là. Évitez de faire une longue réponse en vous disant « Oh, ma réponse doit être à quelque part là-dedans. » Là, Les points sont pas au nombre de mots. Non, c'est ça. Ah oui, tu saches pas trop, là, tu peux essayer de faire un peu dans la dentelle, là, mais... Évitez ça. Puis ça demande aussi au prof, est-ce que je peux répondre par puce ou est-ce qu'il faut que j'écrive un texte? Mm-hmm. Hein? Il y en a que ça va être des développements, mais à puce plutôt. Donc, des grandes lignes. Des questions là-dessus. Ouais, ça peut être plus simple. Donc, voilà pour moi. Donc, ça clôt les examens. La prochaine fois, j'hésite. Gestion du stress ou lecture efficace? On verra. Je vous confirmerai ça. Parce que les examens vont être passés, mais ou certains vont être passés. Oui, ça va être pas mal passé. Mais la lecture, c'est toujours bon. Oui, peut-être la lecture. Pour terminer, n'oubliez pas que peu importe votre note, prenez toujours l'habitude d'aller consulter votre examen après la correction pour vérifier c'est quoi vos points forts à améliorer. Allez voir le prof aussi. Ouais, avec l'examen. Ouais, mais je vous dirais que c'est mieux de prendre rendez-vous. Hein, parce que c'est bien que le prof se remette dedans. Pourquoi qu'il vous a pas donné des points? On se sent moins pris au pied du mur, là, des étudiants revendicateurs de points. Donc, prenez le temps. Demandez rendez-vous, par exemple, si ça a vraiment pas bien été, là, pour savoir c'est quoi le problème. Un peu comme un médecin, il va lire votre dossier avant, il va lire votre examen. Oui, prendre le temps de se préparer, c'est mieux ça que de piéger le prof un peu. Hey, j'ai pas eu mes points là. Évitez ça, là. Okay. Donc, voilà pour moi. De très bons conseils, comme toujours. Merci. Vous allez vous en sortir, quoi qu'il en soit. Hein? Donc, si j'échoue, c'est un peu de ta faute. Non. Oh, il est pas fin. Non, mais non, si j'ai réussi, c'est complètement de ta faute. Ben voilà. Ouais. Ben si t'échoues, on partage 50-50. On partage 50-50. La destinée du monde repose les frais d'escolarité. Sur les épaules de Véronique Meyer, du bureau de la réussite étudiante. Dans deux semaines, excuse-moi. Deux semaines. Ça nous donne à être là. Attention. Le 12 novembre. Voilà. Oui. Merci. Donc, bonne journée tout le monde. Bonne journée. Merci. On prend une petite pause et on vient avec Alexandra Carillon et sa chronique Le temps d'une culture. Restez là. Hello. Hello. Hello. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'émission matinale en pièces détachées. Assemblage requis. Il est 8h38 minutes à l'assemblage requis avec François-Olivier Marchand. Et Mathieu Plante. Oui, en studio, elle vient d'arriver tel un cheveu dans le toupette qui pile un petit peu par-dessus ses yeux. T'as les cheveux longs en avant, on ne voit plus les yeux. Ben oui, je sais. Faut faire chez la coiffeuse bientôt. On l'appelle Toupette Carignan. Et elle est avec nous le temps d'une culture. Toupette Carignan. N'importe quoi. Salut Toupette! Bonjour! Ça va? Ça va très bien. Toupette ou encore en anglais, all farts. C'est vraiment ça, non? Non. Non. Ça, c'est vraiment la traduction littérale de Toupette. De tout. Ouais, bon. Bon, non. Ouais, on l'a compris à ma tête, c'était ça pas va. Assez réveillé à ma tête, ouais, pour faire la traduction dans ma tête. Donc, méchant, Mathieu, méchant. Oui, je fais des blagues, les gens comprennent pas. Je suis un incompris. Un grand incompris de la vie. Mais j'ai pas pitié de toi pareil. Non, hein? Non. Ça vaut pas la peine du tout. Nous, on a l'appétit pour toi un petit peu passé sur la fin d'un rhume, on ben l'entend. Oui. Je suis désolée, je suis tous des fois. Ça s'en va, là. Faut pas que tu lâches. Exactement, ça s'en va. Je l'ai commencé la semaine passée. Ça devrait finir comme... Là. Ouais, espérons-le. On l'espère. Après ta chronique, ça. Mais j'ai bien des trucs pour faire passer mon rhume, puisqu'il y a plusieurs spectacles cette semaine. Ma chronique aujourd'hui, elle vous parle de deux événements que vous pouvez voir en spectacle. Dans la vraie vie, toi. Dans la vraie vie, incroyable. C'est fou, hein? Il y en a un qui ça va être ce soir et l'autre qui va être jeudi soir. Premièrement, je vous parle du match de la Luitre qui présentait les Oranges contre les Bleus. Ça s'est passé non pas lundi qui vient de passer, mais l'autre d'avant, puisque bon, c'était la semaine de relâche, là, donc oui, on n'a pas d'improvisation. L'autre d'avant, donc le 15 octobre dernier, c'est les Bleus de la Luitre qui affrontaient les Oranges. C'est vraiment l'expérience qui affrontait la jeunesse, rien de moins. Puisque les Oranges, leur capitaine, c'est Alexandre Laramezuweki, qui est à sa deuxième année dans la Luitre et première année capitaine. Et lui, en fait, a seulement une personne qui était dans la Luitre l'année dernière dans son équipe. Donc, il a 50% de nouveautés. Oh, okay. Il a en fait Myriam Cloutier, qui est une recrue cette année, mais aussi Francis Sasseville. Magali Brousseau-Arcan, l'année dernière, était encore une fois dans les Oranges. Et elle était sous le règne de Maxime Tanguay. Alors, les Oranges affrontaient les Bleus. Les Bleus, justement, qui sont vraiment l'expérience, puisqu'il y a Maxime Tanguay, il y a Louis-Étienne Villeneuve, qui l'année dernière était déjà capitaine, et aussi Julien Pelletier, qui était substitut des Oranges l'année dernière, ainsi que Camille Tremblay-Lalancette, qui, elle, est une recrue. Beaucoup de filles cette année, hein? Beaucoup de filles. En fait, il n'y a qu'une seule équipe de la Luitre qui n'a qu'une fille. Oh, tout le reste en ont deux. Mm-hmm. C'est une grande première à la Luitre, puisque nous étions habitués normalement à trois gars, une fille. C'est vraiment la première année qu'il y a deux filles. En fait, la non, parité. C'est pas vrai. Il y a deux ans, il y en a eu deux filles. Ah. Mais ils ont perdu, en fait, c'était des pas bonnes. C'est moi qui ai gagné, pareil. Oh bon. Alors, les Bleus affrontaient les Oranges et c'était un match assez spécial puisque les Bleus, en fait, n'avaient pas leur arme secrète qui était Louis-Étienne Villeneuve. Mm. Celui-ci était retenu par son professeur de maîtrise et ne pouvait pas assister à le match. Alors, Louis-Étienne Villeneuve était remplacé par leur substitut qui était Mathieu Bernier Oudaniche. Et celui-ci s'est vraiment bien défendu pour un substitut. D'habitude, les substituts, ce n'est pas nécessairement des joueurs qui sont moins bons, mais peut-être des joueurs qui ont moins d'expérience. Ben oui, c'est sûr, c'est normal. Donc, souvent, les substituts, si on fait, il y a quelque chose, ce joueur-là, mais peut-être pas encore prêt pour l'année jouer. L'année prochaine, peut-être. Exactement. C'est comme les featured players dans Saturday Night Live. Exactement, okay. C'est les feature players. Et sincèrement, Mathieu Bernier Udanich n'a montré que du jeu qui méritait d'être là à temps plein. Oh. C'était un très bon substitut. Une belle surprise. Une très belle surprise. Et les Bleus s'en sont vraiment très bien sortis, mais malheureusement n'ont pas gagné le match. Les Oranges ont vraiment mené de front la première demi en raflant 3 points de plus que les Bleus. Les Bleus, à la deuxième, ont regagné un peu plus puisque les Oranges ont eu une pénalité, leur donnant en fait un point à eux. Ils ont pu avoir un peu plus de points, mais malheureusement, par un point seulement, les Oranges les ont battus. Ce qui était beau en fait dans ce match, c'est qu'on a vu quand les Bleus ont retrouvé leur chimie. Au début, c'était un peu plus boiteux, on dirait qu'ils se cherchaient, ils ne savaient pas comment constituer une équipe. Eh bien, il y a une improvisation en particulier, l'improvisation du taxi, que là, on a vu les Bleus se regrouper ensemble, faire une superbe improvisation qui est, selon moi, l'improvisation du match. Et là, à partir de là, tout a bien été. C'est ça que j'aime, l'improvisation. Tu peux vraiment décortiquer, là, quand... Ça, ça a été magnifique. Comme un match d'hockey. C'est vraiment comme un match d'hockey. Le but qui fait... Là, l'équipe, elle a gagné en assurance, puis elle va tout recommencer. C'est exactement. Donc, c'est ça qu'on a vu. Mais bon, les Bleus vont pouvoir se rattraper. Il faut quand même dire, hein, une équipe qui a un substitut et qui ne part que par un point, c'est remarquable. Ça va très bien. Mm-hmm. Alors, gageons que les Bleus vont vouloir leur revanche, et ce, avec les joueurs, avec le joueur régulier Louis-Étienne Villeneuve, lors de leur prochain affrontement. Mais pour le prochain match, c'est ce soir à la Chasse-Galerie, 20h, je le rappelle, c'est gratuit. Et ce sera les Rouges qui vont affronter, une fois de plus, les Oranges. Donc, les Rouges qui sont une équipe aussi à 50% jeunesse, puisqu'il y a deux recrues et seulement deux... Et les Rouges, c'est qui le capitaine? Rouges, c'est le capitaine Jean-René Cocotte-Boutin. Ça fait deux ans, en fait, qu'il gagne Cocotte parce que c'est le surnom. C'est Henri Créo, c'était la recrue de l'année. Là. Alors, Jean-René Cocotte-Boutin, qui lui est un nouveau capitaine cette année, mais ça fait deux ans qu'il est dans la lutte et ça fait deux ans qu'il gagne la coupe, quand même. Il y a aussi moi-même, Alexandre Carrière, qui a aussi gagné la coupe durant deux ans. En fait, c'est bien simple, je n'ai jamais fait d'improvisation à la lutte sans Jean-René. Donc, on a tout le temps fait partie de la même équipe et c'est... Ça va bien. On a continué ça, ça va bien. Nos deux recrues, en fait, c'est Philippe Grenier, qui est en psychologie, ainsi que Élodie Mongrain, qui elle est en enseignement du français. Élodie a fait de l'improvisation à plusieurs reprises. Là, elle fait partie de Ligue dans le coin de Repentigny. Cependant, Philippe est une belle recrue. Il n'a pas fait d'improvisation depuis le secondaire, mais il a de la trempe d'improvisateur qui en mérite. Alors, les Rouges et les Oranges vont s'affronter ce soir. Les Rouges vont être en quête de leur première victoire, qu'ils n'ont pas eu encore. Mais bon, hein, ça n'est pas grave. Il est en on, là. Fait que, il est en on. Et bon, c'est pas grave, hein, le plaisir, c'est ce qui vient en premier. Ouais. Et pour ce qui est de la semaine prochaine, ce sera les Bleus qui vont affronter les Verts. Donc, le 5 novembre prochain à 20h à la Chasse-Galerie. Encore une fois, ce soir à la Chasse-Galerie, 20h, c'est gratuit, arrivé en grand nombre. Yeah. Alors, ça, c'était pour le spectacle d'improvisation. Si vous êtes un peu plus musique, eh bien, je vous propose un groupe qui vient de la Mauricie et qui va être en spectacle à la Chasse-Galerie le 1er novembre prochain à 22h. Et oui, on parle bien de East Road, le groupe Shawinigané. J'aime ça dire ça. Shawinigané. Shawinigané, qui a sorti son premier album pas plus tard qu'il y a une semaine et demie. Alors, East Road, c'est un groupe qui vient de Shawinigan, en fait, pour 75% de ses membres. C'est Rami Renaud à la basse et Jean-Michel Renaud, guitariste, qui sont deux passionnés de musique et qui ont décidé d'écrire ensemble. Donc, ils ont fait toute une ribambelle de musique, mais c'est lorsqu'ils ont rencontré Pete Pettel, qui lui était à la batterie, qu'ils vont tout réécrire au complet, en fait, pour réarranger avec la batterie pour faire l'album que nous connaissons. Pardon. L'album en tant que Pettel. En tant que tel? T'as retravaillé. Okay. Alors, une fois qu'ils ont écrit, en fait, tout ça et qu'ils ont retravaillé avec Pete, ils nous ont donné cet album, qui est un album éponyme, East Road, qui a comme principal thème le voyage. C'est bien simple. En fait, Jean-Michel Renaud, qui est celui qui écrit les chansons, est un grand fan de voyage. Il voyage souvent et il aime la découverte de nouveaux paysages. Et bon, ça va aider aussi parce que Pete Pettel est originaire des îles de la Madeleine. Donc, de la route, ils en ont souvent fait. Ils s'en pètent les bretelles. Tabarouette. Hey, ça, c'est deux en deux. OK. Et en fait, eux-mêmes se décrivent comme un folk de route. Vraiment, là, quand ils disent East Road, eux autres, c'est un folk de route. C'est un CD qui s'écoute très bien en automobile. Road trip. Lorsqu'on veut faire un road trip, exactement. C'est un style, c'est un indie folk, là, pour ceux qui sont un peu perdus. Là. Très, très, très mélodique. Guitare, d'ailleurs... Belle voix aussi. Jean-Michel Renaud, oui. Jean-Michel Renaud a des doigts de feu. qu'il peut tout faire avec sa guitare. Et d'ailleurs, il a une très belle voix qui s'apparente un peu, si vous êtes un peu perdu, à Patrick Watson. C'est vrai? Un peu moins volatile. Donc, Patrick Watson va faire des grandes envolées souvent ou va se perdre dans sa voix. Jean-Michel, c'est pas un que j'adore, Patrick Watson. Jean-Michel Renaud, lui, va vraiment rester sur une belle voix qui est très, très, très envoûtante. On tombe rapidement sous le charme. Bien sûr, lors de l'événement lancement, ils étaient plus que trois. Il y avait d'ailleurs... Pas tremblé. Ben oui, il y avait tremblé. Oh, non, là! Maxime Tremblay, Manolo! Alors, il était là, dans sa grande... L'as-tu pris en photo? Dans sa grande prestance. Sa petite peut-être, prestance. Je sais pas. Hey, il est pas si petit. Non, je sais pas, il a l'air petit. Je sais pas. Moi, je suis petite, fait qu'il est correct pour moi. OK. Bon, c'est cool, ça. Et il y avait aussi, sa choriste, Mélissa Brouillette, qui est une fille aussi de Trois-Rivières. Okay. Et je sais pas s'il va le suivre en spectacle, possiblement. Nous ne le savons pas. Mais bref, si vous voulez les voir, c'est vraiment une belle occasion de les voir à la Chasse-Galerie ce jeudi 1er novembre à 22h. C'est gratuit et c'est présenté par le GME. Le GME. Faut pas dire le GME. Non, c'est ça. Le groupe des médias étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Exactement. Ouais. Donc, c'est un beau cadeau que... Ça veut dire que C'est fou, ils ont le campus en passant, parce que ça fait. Ça veut dire que C'est fou, ils ont le campus vous offre un beau cadeau cette semaine. Donc, c'est gratuit. C'est gratuit et c'est un spectacle. Ça en vaut vraiment la peine. J'en mets beaucoup, mais je suis certaine qu'une fois que ça part de la Mauricie, ça, là, ça va... être partout. Parce que je pense aussi que ça peut vraiment débloquer pour eux autres là, prochainement. Là. Oui, parce que c'est une musique qui est en pleine expansion. Donc, de plus en plus, là, le indie rock, là, ça devient... tout le monde aime ça. Il n'y a personne qui aime pas ça, quasiment. À part ceux qui aiment vraiment le métal. Ouais, ils sont bizarres. Bref. Alors... T'sais, tout le monde aime ça, c'est une belle musique, c'est attachant. Ils sont attachants, ils sont simples. Je vous le dis, là, un show gratuit d'Eastroad, ça ne se refera plus. Donc, allez-y. Ce jeudi, 22h. Et pour vous montrer ce qu'est East Road, nous allons faire écouter en fait une chanson qui est ma préférée, selon moi. Pas selon moi, selon moi, c'est ma préférée. Ta préférée, bon. Selon toi. Selon moi, on est encore en discussion. Bon. Alors, voici October Road d'East Road. Vous êtes à Assemblage Requis. C'est la chronique d'Alexandra Carignan. October Road. going. It doesn't really make sense, no. To waste your time waiting. When you're longing to arrive. Where you're going. Sense. No, no, no, no, no. To waste your time waiting. The October road. Finally made it, my friend. The ocean breeze now feels the eastern air. Now we arrive to the East Coast. We're on a ferry to Magdalen C'était East Road avec October Road. East Road que vous allez pouvoir voir cette semaine à la Chasse-Galerie à 22h le 1er novembre. Dans la jeudi. Jeudi. Donc, si vous avez aimé ça, et là, je vous ai donné une toune qui est quand même calme. D'habitude, ils peuvent être aussi très, très, très... Bougeant plus. Bougeant. Oui, bougeant. En spectacle, j'imagine que ça doit bouger un petit Mais peu. Mais sincèrement, c'est hypnotisant, là. Même si c'est calme, on aime ça les voir aller parce que c'est beau. En tout cas, moi, je vous le dis, c'est beau. Toi, tu vas les revoir une deuxième fois, donc tu vas venir jeudi. Je devrais. Devrais. Pas sûr encore? Peut-être. C'est parce que j'ai un parti en même temps. Bon. Moi, je me suis dit, j'ai déjà vu un spectacle. C'est là. Ça. T'as fait ta job. Mais tu sais, si j'avais pas un autre engagement, c'est clair que je serais là. Ouais. Donc, c'est jeudi là qui s'en vient à 22h à la Chasse-Galerie. 22h, Chasse-Galerie, ce jeudi. C'est gratuit, elle va arriver en grand nombre, ça va être bon. Merci Alexandra. Merci. Ça fait plaisir. Merci, merci, merci. Lundi prochain, 8h30, une autre chronique, le temps d'une culture. Exactement, une autre chronique. Ben oui, on n'a jamais assez de temps pour passer. On n'a jamais assez de culture non plus. Et voilà, on est cultivé maintenant. C'est superbe ça. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. On va se retrouver demain matin entre 7h et 9h. Et demain, à l'émission François-Olivier Marchand, on a notre ami Maxime Tanguay, un certain Maxime Tanguay. Oui, évidemment. On a aussi Michel Brun. Oui, oui. Et David Ferron va être là aussi. Il va être enfin de retour en studio pour mettre la langue dans ton oreille. Michel Lebrun, évidemment, c'est de la justice. Maxime Tanguay, de la musique indie. Donc, c'est le plan de demain à l'émission. Restez sur nos ondes à partir de 11h. Ce sera Dîner de con avec Danny Janvier. Ensuite, à 13h, encore une fois, Maxime Tanguay sera là avec Simon Fédibé pour l'examen final. Ensuite, c'est moi et Alexandra au Palmarès C'est fou, on rappelle. Oui, c'est nous. Mm-hmm. Et puis, à 18h, Le Boudoir. Alexandra, c'est ton émission, c'est avec Mélissa Beaupré. Oui, donc on revient d'une semaine de relâche. Mélissa et moi, on va vous présenter de la bonne musique et des belles chroniques. De la bonne musique émergente. monde, comme vous dites. Oui. C'est bien ça. Et puis à 19h, c'est le voyage insolite avec Frédéric Durand. Allez voir cifou.ca pour la programmation complète et passez par assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. On remercie tout le monde qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. En plus d'Alexandra Carignan, il y avait aussi Véronique Mire. Véronique Mire, oui, tout à fait. Merci. Bonne journée, François. Bonne journée, Mathieu. On se quitte avec du Gatineau, oui. Et je sais pas laquelle. Ah, je sais pas laquelle entendre. Ah, je suis je veux toutes les entendre. Ah, je pense qu'on va y aller avec Mother Lover. On écoute ça. À Assemblage Ricky, bonne journée. Mother Lover. Ça s'en vient là, tout de suite. Ce que j'entends derrière, c'est pas la musique, hein. C'est le bruit de dehors, je vois. C'est un bruit. Un bruit d'outre-tombe. Et voilà. Oh! Bye! Même reflet des miroirs et plus de flétrisseurs. Une Gabrielle Azul, mec un peu plus sûr. Ça se voit tout de suite que t'es sa progéniture. Sortir avec toi, c'était mon projet initial. Je l'ai rencontré dans un souper familial. Tout de suite trouver un petit quelque chose de spécial. Pour ça mon nouveau look, alléluia. Pourquoi tu penses que je suis toujours après elle? Monsieur t'a fait une suite avant la vaisselle. Allez prodigie, la vie de char. Sortir le recyclage ou les vidages qu'un char. Aussi loin je me rappelle. J'tripais sur mes profs, toujours été jaloux d'Offman pis Ben Croft. The Graduate, c'était mon film de chevet. Que j'me dis qu'un jour avec ta neige de vrai. J'accompagne ta main, les commissions GGO. J'accompagne ta main à Gagari Chiquio. J'accompagne ta main, les commissions GGO. J'accompagne ta main à Gagari Chiquio. J'suis son Antoine Douanet, c'est ma Fabienne Tabard. Fabienne Tabard. Fabienne Tabard, Fabienne Tabard, Fabienne Tabard, Fabienne Tabard, Fabienne Tabard. Je te l'ai mis durant ma maman et de Georges Fataille. À côté moi et Francis Martin. Et je spotais, je serai son Louis Garrel, elle, Isabelle Huppal. Je serai la fois ton amoureux, ton chum, ton poing. Si Jacques la mère après sortir de la fille, je vais quand même rester un membre de la famille. Je rêve d'elle la nuit dans mon lit quand je m'abris. Je fais tout pour qu'elle me remarque, pour que je brille. Pense qu'au karaoké, l'autre fois c'était fly. Quand j'ai chanté cœur de rocker de Julien Clay. Que c'était pour elle, c'était pour elle, c'était pour elle, c'était pour elle. Fabienne Tabard, Fabienne Tabard, Fabienne Tabard, Fabienne Tabard, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel, Antoine Douanel.